appartenons tous à la même planète. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Nous appartenons tous à la communauté. Sur un majestueux yacht, c'est la moindre des choses quand on est là-haut. Quand on est au sommet en ivrette altitude, symptôme déclaré la bling-bling. Monsieur avait promis pouvoir d'achat en hausse. Nous avions mal compris comme à notre habitude. Il s'agissait du sien maigri. Sur les papiers glacés, divorce médiatique et rancœur balancée en pâture au public. Pension alimentaire, prix de la solitude, quelques milliers d'euros, la bling bling. Une belle italienne de Vergon dans le cru vint à passer par la garnie de ses Rolex. Se clinquant, se brillant, sont jetés aux figures des petits salariés aux fins de mois si rudes. Pour repas de repas, des pas de fioritures, loin des déconnectés, nos bling-bling attitudes. Yeah.